Santiago, les stades sont fermés. À Buenos Aires, les folles ont quitté la place. Allez, le rideau de fer s'est levé. C'est la fin d'un empire rêvé. Les étoiles rouges ne brillent plus sur Moscou. Celle de la liberté, pas encore sur Pékin. Nous avons perdu nos rêves fous dans une fusillade petit matin. Que reste-t-il de mai 68? Des jolis pavés, des idéaux généreux. Nos rêves se sont évanouis et nous ne sommes pas plus heureux. Nos leaders sont devenus propres PDG. Des classiques gris en enfant tripotant. Ils ont le visage, l'honorabilité dans leur costume classique essayant. Nous ne sommes que des quadras fatigués. Après avoir remisé nos rêves et nos pavés au magasin des accessoires inutiles, ranger nos idées jugées futiles. Que reste-t-il de mai 68? Des jolis pavés, des idéaux généreux. Nos rêves se sont évanouis et nous ne sommes pas plus heureux. De mai 68.